Mes chers frères, approchez mes chères sœurs. C'est le retour du roi du hardcore sur un son du terre-terre. Gros, symphonie des fauves en sol majeur. Amine Dada dans l'attitude, au cœur de ma dictature. Des traces de ligature sur ton rap que je prends en otage. Entre ma vitrue et la zigmule, le rapport est sauvage. Rien qu'on parle de WAM depuis que mon rap a changé. Tous ces gueux chapelles au coup, le bénéfice de ton songer. Une grosse envie de se venger. La drogue est vendue, la langue est pendue. Comme un spartiate, tu diras de moi que je me suis bien défendu. Oh, je ramène la mode comme une gomme pleine de pilons. Assume tes actes, n'attends pas l'effet papillon. Oui, le béton rêve de gros sommes. Moins de pétain si le ghetto aurait la matière grise à Chrysome. Un ciel gris pour une enfance outragée. Intempéré au cœur du colisée. Alcoolisé sur le flot de larmes. La vie de cité prend des allures à zépec. Zigzag entre les bastos. Blah blah dans le buffet. Dans mon cosmos, les étoiles ne brillent plus. Le soleil meurt, c'est la lune qui éclaire le bitume. Nique ta grand-mère, mon son ne gratte pas l'amitié. J'suis comme Achille de Troie, avec 4 fois moins de pitié. Le fou sur l'échiquier, mon rap game c'est ton cimetière. La faucheuse dans tes cauchemars qui te sort du sommeil. Hey, au soleil couchant, le vampire sort du château. Présente-moi ta rose et j'te sors le char d'assaut. La violence d'un Bagdad, trop de rage dans mon bagage. J'condamne les portes de l'échec par les clous de la victoire. Noir est l'histoire quand tu grandis dans la rue. C'est les ténèbres dans les abysses de ma blessure. Ok, j'ai la langue de feu qui vous dérange. Un rap accessible mais rare comme un supercharge orange. Oui, je porte cet uniforme de général. Mais Kunyamuyango, dans mon cœur, je suis un homme normal, comme vous. Je sais qui vous êtes et ce que vous êtes. Je sais tout ça. Je suis vous. Demandez à mes soldats. De toute ma vie, je n'ai jamais commencé à manger tant que mes chers soldats n'avaient pas mangé.